on se rend compte que l'évolution, surtout la conscientisation, c'est une question d'accumuler de l'énergie. Et de plus en plus, l'astral agit d'une façon subtile. C'est plus des... On ne se fait plus frapper par un train, c'est par des détails. Et il y a des fuites d'énergie qui sont de plus en plus raffinées. Ça nous empêche d'avancer. Ce qu'on voit, Daniel, c'est que c'est de plus en plus difficile de rester unis avec des gens qui se conscientisent. Parce qu'il y en a toujours un qui se fait ramasser. Et puis, comme on a vu... Je t'arrête. Oui. Bon. C'est commode, pas besoin de poser de questions. Ça Mais c'est ça, parce que là, je connais la réponse au complet. Bon. Bon. Je connais la question aussi. L'ego, c'est un phénomène qui est fragmentaire, qui est pluriconstitué. À travers ta conscientisation, l'ego subit une évolution. C'est-à-dire que l'ego doit s'adapter au neuf. L'évolution, c'est uniquement la confortabilisation d'un ego par rapport à des événements neufs. C'est-à-dire qu'évoluer, ça veut dire s'adapter à du neuf. Mais se conscientiser veut dire être capable d'engendrer de neuf, capable de créer, puis capable aussi de régler les choses, donc d'ordonner. Alors, pendant l'évolution, lorsqu'il y a un contact entre ton intelligence et les mécaniques de la mémoire, les mécaniques de l'aberration, ton ego, les parties fragmentaires de ton ego expérimentent le contact avec l'intelligence. Et évidemment, quand tu rencontres d'autres êtres humains autour de toi, qui sont aussi en voie de conscientisation, tu as des contacts télépathiques qui vont s'établir entre des parties fragmentées de leur ego. Et évidemment, tu vas aussi expérimenter l'onde de forme générale des individus qui te côtoient et qui sont en phase de conscientisation, donc des individus qui sont dans l'intelligence. Et la problématique, c'est qu'au fur et à mesure de ton ascension, donc de ton anégoïsation, il y a des parties de ton ego qui vont simplement être éliminées. Alors, si on considère que pour que toi, tu puisses bien t'entendre, par exemple, avec Robert, il faut que tu sois attiré à 70% vers ce qu'il est, et qu'à travers les parties de ton ego ici, disons qu'on a 7 parties fragmentées de ton ego et que chacune ont 10% d'attraction, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que vu que tu t'anégoïses, il y a une partie de ton ego ici qui va finir par sauter, et de 70%, tu vas tomber à 60% d'expérience attractive astrale pour être attiré par l'autre. Comme tu viens de passer 60% et qu'on a dit que 70% était le seuil, ben à partir de cette anégoïsation-là, tu n'auras plus autant le goût d'être près d'une personne avec laquelle tu étais bien, v'là un mois, v'là deux mois, v'là un an. Ça, tu veux dire, c'est ce qui se produit chez la personne chez tout le monde. Oui, mais j'ai pas moins le goût d'être avec mes amis. Non, mais ce qui va arriver à un moment donné, présentement, c'est simplement parce que ton seuil n'est pas encore atteint. Ça peut être 40% dans ton cas, dépendamment de tes amis. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau, là je parle simplement au niveau des alliances, au niveau du fait que les gens ont de la difficulté à rester groupés dans l'intelligence. Je sais qu'après ça, on pourra parler simplement des mécaniques qui sont reliées à nos propres énergies. Parce que dans un cas où les égos vibrent moins ensemble, ils vont vibrer dans ce cas-là, s'il y a une égoïsation, des choses comme ça, ils vont vibrer sur un autre niveau. Donc, ils devraient vibrer sur un autre niveau. Mais la problématique, c'est que présentement, l'amour humain est compté... On parlait de l'amitié, parce que l'amour humain le plus vénérable, le plus intéressant, c'est l'amitié. Bon, alors quand on parle d'amitié, on parle donc de l'amour humain, c'est encore vécu par l'astralité. C'est-à-dire que l'être humain n'a pas encore de réservoir ou n'est pas capable de goûter à l'énergie qu'il va cumuler dans des réservoirs supramentaux de ce que c'est que l'amitié. Ce qui fait que même si, par exemple, tu as énormément d'énergie supramentale d'amitié avec François, si tu n'es pas complètement capable d'en bénéficier, tu es trop inhibé. Donc, tu vas bénéficier de sa présence par les contacts astraux. Moins tu as de contact astral avec lui, donc d'expérimentation plaisante ou d'amour de contact astral avec lui, moins il va te plaire. C'est-à-dire qu'il ne te déplaît pas nécessairement, mais ce n'est pas la personne avec qui tu voudras te désinhiber. Pourquoi? Parce que dans l'illusion de la désinhibition, tu penses que tu as autant d'énergie à aller chercher dans la désinhibition, c'est-à-dire une énergie qui va t'alimenter, qui va te nourrir, qui va te recentrer dans le phénomène supramental, tu penses qu'il y en a autant là qu'il y en a dans ton ego par rapport à lui. Ça veut dire que vu qu'il n'y en a pas beaucoup dans ton ego par rapport à lui, tu penses qu'il n'y en a pas beaucoup dans le plan supramental par rapport à lui et tu n'auras pas le goût de te désinhiber avec lui, pensant que ça va mener à rien. Bon. Si par contre tu es en amour avec une personne, en amour, tu peux être monté en amour, du point de vue astral, qui va arriver, tu auras le goût de te désinhiber avec cette personne-là, parce que tu penseras que dans le plan supramental, il y a autant d'énergie à aller chercher que ce que tu vibres ou veux goûter du point de vue astral. Mais le problème, c'est que plus les individus vont se négoïser, moins ils verront, tant qu'ils se resteront dans une gustation astrale, moins ils verront l'obligation ou le plaisir ou la nécessité de se désinhiber ou de rester en contact, en alliance ou en amitié avec tel ou tel individu. Parce qu'à un moment donné, je coupe un morceau, donc François, j'en ai moins besoin. Je coupe un autre morceau, je m'en égoïse, donc j'ai moins de saveur de lui. Ce qui fait que finalement, j'ai astralement, je n'ai plus besoin de lui. Et si je ne suis pas capable de gérer par l'intelligence ma vie et mes relations avec les autres intelligences, je vais finir par avoir l'impression que j'ai de toute façon plus besoin de lui. Alors, même s'il m'amène de l'intelligence, s'il m'amène des solutions à certaines problématiques, je n'aurai de toute façon pas le goût que d'être avec lui. Si toi, tu ne m'en amènes pas et que tu me nourris encore astralement, je préférerais être avec toi qu'être avec lui, alors que je devrais être avec lui, non pas avec toi. Bon. Alors, c'est ce qui va faire en sorte que la majorité des êtres qui se conscientisent, à un moment donné, vont avoir soit de la difficulté à s'allier, parce qu'ils ne veulent pas, un, établir des contacts astraux, parce qu'ils viennent d'en briser plusieurs avec les traditions, avec la mémoire. Deux, parce qu'ils ne sont pas capables de te goûter suffisamment au niveau des plans supramentaux. Et comme ils ne te goûtent pas au niveau des plans astraux, c'est évident qu'ils ne peuvent pas aimer être avec quelqu'un. De ce fait, les contacts et les alliances deviennent pénibles et compliqués. Et à travers la conscientisation, plus les individus vont se négoïser, plus il y a une tendance à ce que les individus se fragmentent aussi. Pour la simple raison qu'on était ensemble parce qu'on avait un besoin astral d'être ensemble, et au fur et à mesure de la négociation, mon besoin astral s'en va. Et parce que je ne suis pas encore capable de goûter et de me rendre compte simplement de l'intelligence des relations supramentales, je finis par abandonner les contacts physiques. Ça, c'est parce qu'on n'a pas été assez habitué à goûter au niveau de supramental ou une énergie comme ça, parce que finalement, c'est aussi c'est plus nourrissant même d'un point de vue. Ben, c'est plus nourrissant, c'est évident. Maintenant, il faut que tu aies muté ton système digestif psychologique pour être capable de digérer, de te nourrir d'une alimentation supramentale, alors que présentement, c'est un peu comme tu as besoin d'eau, tu es habitué à boire de la boue pour ramasser l'eau, et il pleut. Mais vu qu'il pleut, tu te dis c'est de l'eau, ça devrait me nourrir, mais ça ne me nourrit pas. C'est évident, là, elle devrait rentrer par ta bouche, mais là, elle coule sur ton corps. C'est de l'eau, c'est exactement ce que tu as besoin, extrait de la boue, beaucoup mieux, parfait, mais ça ne te nourrit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu ouvres la bouche, que tu regardes en l'air. Tu vas ramasser au moins autant d'eau qu'avec la boue. Ça va déjà être meilleur au niveau du goût. Ou bien, il faut que tu trouves une stratégie, une technique, une façon de ramasser l'eau de la pluie pour être capable après ça de l'ingurgiter. Et c'est exactement ce qui arrive. On voit la pluie tomber, puis ça devrait nous ôter la soif, puis ça ne nous ôte pas la soif, même que ça semble nous la donner. Bon, mais c'est un peu comme avoir soif et regarder un lac ou regarder une chute qui coule. Ça motive la soif, mais ça ne te nourrit pas. Alors, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qu'on devrait développer dans ce cas-là? De base, si ce n'est pas au niveau de l'ego qu'on reçoit cette nourriture-là, c'est à un autre niveau, qu'est-ce qu'il faudrait développer pour plus apprécier? Bon, ce qu'il faut que l'humain développe, c'est simple. C'est la solution fondamentale au problème humain. C'est la même chose. Ce que l'humain doit développer, le mot très simple, le mot humain très simple, mais qui n'a pas de grande signification parce que l'humain ne sait absolument pas ce que c'est, c'est que l'humain doit être capable de vibrer énergétiquement à sa présence. Bon. Traduit en langage humain, on va dire l'humain doit parvenir à s'aimer. Bon. Maintenant, s'aimer, c'est toute une manchure parce que l'être humain qui est capable de s'aimer est un être humain qui ne vieillira pas, qui ne mourra pas, qui ne sera pas malade et qui ne vivra pas tout ce que l'humain vit présentement. C'est un être humain qui ne vivra pas de désinhibition, qui ne vivra pas de libération. C'est un être humain qui a tout réglé. Le gros du problème... Pourquoi ne vivra de désinhibition? Je pensais que c'était une des voies d'arriver à s'aimer par rapport à soi-même. C'est ça. C'est une voie pour arriver à s'aimer, mais celui qui s'aime, il n'y a pas à vivre ça. Mais non. Celui qui s'aime, si la désinhibition t'amène à t'aimer, celui qui s'aime n'a pas besoin de s'amener à s'aimer. Mm-hmm. Hein? Bon, ça va? Ça va. Parfait. Je peux continuer. Le gros problème, c'est que même si c'est facile à dire de s'aimer, c'est que l'humain n'a aucune idée de ce que ça veut dire que de s'aimer. Et là, l'humain peut s'entraîner à s'aimer, mais l'humain va évoluer vers lui-même. C'est-à-dire que l'humain va s'adapter aux conditions qu'il a. Mais s'adapter aux conditions de ce que nous sommes, aux conditions que nous avons, ce n'est pas être capable de s'aimer. Autrement dit, l'être humain qui parvient à s'aimer lui-même, c'est comme un être humain qui n'a jamais vu son corps, par exemple, qui a toujours été enfermé dans une armure, et puis qui subitement n'a plus besoin d'armure, n'a pas besoin de voir son corps avant pour savoir s'il est présentable ou pas. Il n'a pas besoin de vérifier, il n'a pas besoin d'expérimenter, il n'a plus aucun problème, parce qu'il s'aime lui-même. Mais s'aimer lui-même, c'est extrêmement important. On va juste s'en parler, mais pour en venir. L'humain n'est... La planète Terre est organisée pour que l'humain se déteste, et la façon la plus évidente pour empêcher l'humain de s'aimer, c'est de venir mettre un paquet de panneaux de coloration entre la vision d'intelligence qui tend à rayonner à travers lui et l'extérieur qui va réfléchir ce qu'il aura rayonné. Autrement dit, l'intelligence descend chez moi, et elle devra être réfléchie, frappée de l'extérieur pour être ramenée vers moi, pour être réfléchie. Donc, elle devra rayonner à travers mon corps, être réfléchie par l'extérieur et être ramenée vers moi. Ça veut dire qu'on a l'impression à ce moment-là que les autres nous aiment et l'on s'aime. C'est ce qui va arriver. Sauf que la façon de t'empêcher de t'aimer, c'est de placer un paquet de colorants, de filtres colorants, entre ce qui va être rayonné. Donc, ce qui finalement est rayonné n'est absolument pas ce qui vibre à travers moi. Vu que ça va être réfléchi, ce qui est réfléchi revient vers moi, et ce n'est absolument pas ce que je crois être, et ça revient vers moi à travers les mêmes filtres. Et finalement, j'ai de la grande difficulté à raisonner à ça, à vibrer à ça, à me laisser imprégner par ça ou à me centrer là-dedans. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça veut dire que s'aimer, c'est accepter de rayonner ce qu'on est? Accepter, c'est de rayonner ce qu'on est, simplement. Même pas. Tu rayonnes de toute façon ce que tu es. Et c'est pourquoi fondamentalement... Oui, mais si je ne m'aime pas puis je rayonne de toute façon, c'est qu'il y a quelque part entre les deux, il y a le contact qui n'est pas... Oui, simplement parce que tu ne sais pas où te centrer pour aller goûter. Bon. On a... Je vais... Deux dimensions, ce n'est pas suffisant. Je te fournis une automobile et je te fournis un habit particulier qui va avec l'automobile. Et je t'oblige à rester 10 ans dans ton automobile sans jamais en sortir. Alors, tu te présentes au cinéma, tu te présentes partout, puis disons tu peux rentrer avec ta petite automobile. Et au bout de 10 ans, tous les gens que tu as connus à travers ces 10 années-là connaissent ton automobile. Toi. Alors, quand ils disent, ah tiens, voilà François qui s'en vient, évidemment, c'est une automobile qui s'en vient. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, écoute, François, tu rouilles. Bon, alors toi, évidemment, tu ne veux pas rouiller. Pourquoi tu ne veux pas rouiller? C'est parce que tu ne veux pas présenter un visage rouillé aux gens qui te regardent. Alors, tu vas aller chez un concessionnaire, tu vas aller dans un endroit où on répare les carrosseries, et puis tu t'organises pour qu'on te refasse un... Hein, qu'on te remonte un peu. Et continuellement comme ça. Ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu vas... Vu que continuellement... Tu vas être reçu dans ton monde en disant, tiens, voilà François quand on voit l'auto. Tiens, François n'est pas là quand on ne voit pas l'auto. Bien, nécessairement, tu vas, pour être capable de créer un lien entre toi et le monde dans lequel tu t'exprimes, tu vas t'identifier à l'automobile parce que finalement, l'automobile devient le vecteur qui permet un lien entre le monde et toi. Donc, tu pourras finalement penser que tu es une automobile. Mais à un moment donné, moi, je vais te demander, après 10 ou 15 ans ou 20 ans, de sortir de ton automobile pour marcher sur la rue. Mais là, vu que tous les... Ben non, parce que tous les gens te connaissent comme une carrosserie, là, de te voir sortir vêtu d'un habit particulier, tu peux pas sortir comme ça. Il faut absolument que tu vérifies si ton habit va être reçu, si... bon. Et c'est tout un problème. Même si les gens disent que tu es correct, tu ne sais pas que tu es correct. Pourquoi? Parce que tu es une automobile qui subitement n'est plus une. Donc, tu n'es plus rien. Si tu as la capacité de t'aimer, ça veut dire que jamais tu n'as perdu le contact avec le fait que tu étais toi dans un costume et toi dans un costume dans une automobile. Ça veut dire que jamais tu n'as fait de référence entre la rouille sur l'automobile et toi-même, entre tout ce que les gens disaient sur l'automobile en bien ou en mal et toi-même, jamais. Ça veut dire que tu as conservé la capacité de te reconnaître comme un visiteur, un passager et une personne qui habite tes véhicules, sans faire de référence entre toi et le véhicule. Bon. Mais le gros problème, c'est que l'astral a prévu qu'à un moment donné, l'humain pourrait peut-être parvenir à faire en sorte de cesser de s'identifier aux véhicules extérieurs qui sont exprimés. Alors, les dieux ont immédiatement enseigné à l'humain, par exemple, que les yeux étaient le reflet de l'âme. Bon, ou encore qu'on voit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que te regardant toi physiquement, j'ai l'impression de... Toi, tu as l'impression, quand te regardant physiquement, je peux te connaître psychologiquement. C'est ça, c'est un petit peu moi quand même si c'est des véhicules. Fait que finalement, voilà. c'est moi quand même. Bon. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a le phénomène de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je roule avec mon automobile et que tout le monde pense que je suis une automobile, et qu'à un moment donné, il y a une pluie de grêle et ça vient massacrer un peu la peinture de mon toit, du capot, etc., les gens vont dire, regarde donc comment il est rendu, puis il ne s'occupe même pas de lui. Les gens vont penser que je suis une personne qui ne fait pas attention à rien. Donc, je vais immédiatement courir pour me faire repeinturer. Alors que là, je ne m'occupe pas de moi. Je m'occupe des autres. Et continuellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, tu te conscientises, et en te conscientisant, tu rejettes des particularités qui sont mauvaises chez toi, et nécessairement, tu commences à être malade. Mais là, les gens vont vouloir être dans un certain cas, puis là, je prends la maladie comme exemple, mais les gens voudront être en santé pour ne pas être reconnus comme étant une personne malade à l'intérieur. Donc, les gens s'arrangent continuellement pour déguiser leur extérieur en fonction de camoufler ce qu'ils croient être à l'intérieur. Et très souvent, ce qui va arriver, c'est la vie. Par exemple, tu vieillis, mais ton vieillissement n'est pas tributaire de ce qui se vit en dedans. Ton vieillissement est tributaire d'une structure génétique programmée mécanique. C'est évident qu'à un moment donné, quand tu seras pur en dedans, tu vas le bloquer. Mais ce n'est pas parce que tu es sale en dedans que tu vieillis. Sauf que l'humain pense cela. Donc, l'humain pensant cela va tout faire pour se garder jeune. C'est-à-dire que la personne va se maquiller, la personne va essayer à un moment donné de se mettre en forme pour rajeunir, mais la jeunesse n'est pas autre chose, dans la majorité des cas des gens, qu'une façade pour essayer de montrer aux gens qu'ils ne vieillissent pas. Mais ce n'est pas une utilité. Les gens ne veulent pas être jeunes parce qu'ils veulent être jeunes, parce qu'ils veulent avoir le goût de courir, parce qu'ils veulent ne pas être malades, parce qu'ils veulent être bien. La majorité des gens veulent être jeunes. Non, c'est faux. La majorité des gens veulent paraître jeunes. Mais on ne veut pas être jeunes. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, pour qu'il parvienne à s'aimer réellement, ça veut dire que l'être humain doit être capable de se considérer comme, donc de se retrouver en tant qu'être source et de se retrouver comme un être source à travers des véhicules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain ne peut pas parvenir à aimer son visage ou à aimer son corps parce que le moindrement qu'il va se conscientiser un peu, mentalisation ou non, il va finir par se rendre compte des aberrations corporelles. Oui, mais s'aimer soi-même, ça fait partie, c'est-à-dire accepter son corps... Non, accepter son corps, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas... Parce que si tu t'aimes pas... Non, c'est-à-dire si tu t'aimes, il faut quand même que tu acceptes ton corps comme il est là. Non. Bien, il va avoir un rejet quelconque. Non. Si tu t'aimes, tu sais que tu es dans un véhicule. Puis que c'est ce véhicule-là que tu as. Il n'est pas question d'aimer ton corps. Et ce n'est pas nécessaire. Mais si tu t'aimes, est-ce qu'à un moment donné, justement, tu ne vas pas devenir comme autosuffisant, puis tu vas aller, je ne sais pas, là, si tu n'auras pas besoin de la nourriture des autres, vu que tu vas comme t'auto-nourrir, tu vas t'aimer pleinement, là? Oui, mais que l'individu qui s'aime, là, il faut bien faire attention, c'est que s'aimer, dans le plan de la conscientisation, veut dire se retrouver. Quelqu'un qui se retrouve devient un dynamo énergétique, un centre synergétique autonome. Donc, il n'a effectivement plus besoin de nourriture extérieure pour être capable de s'alimenter. Hein? Il n'a plus besoin de carburant ou de comburant. Par contre, il va être capable de s'allier aux autres pour créer une espèce de dynamo extraordinairement plus grande, une espèce de véhicule énergétique, pour être capable d'engendrer des mécaniques beaucoup plus puissantes. Mais ce ne sera pas pour garder sa centricité. S'aimer soi-même, tu n'as pas besoin d'aimer ton corps, tu n'as pas besoin d'accepter ton corps, tu n'as pas besoin d'accepter le corps d'autrui. C'est exactement comme prendre sa main et la mettre dans un tas de merde. Es-tu facilement capable de faire ça? Toi, un tas de merde dehors dans la rue, tu prends ta main, tu la trempes dedans comme il faut, là, tu regardes ce qui se passe. Bon. Tu as l'impression de toi te mettre la main dans la merde. Alors que si je te donne un gant, c'est beaucoup moins pire. Mais encore là, il faudra que le gant soit suffisamment... Étanche. Mais aussi, il faudra que le gant ne communique pas trop la chaleur si c'est de la merde chaude. Parce que tu ne sauras plus trop si tu as un gant ou pas. Il faudra un gant épais. Ou un gars épais dans les grands mains. Et là, tu touches à ça, à la merde. Et puis, même là encore, il se passe des choses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de te rendre compte que le gant et toi, c'est pas la même chose. L'humain fait la même chose, l'humain n'est pas capable de se rendre compte que le corps et lui, ce n'est pas la même chose. Bon, par exemple, qu'une personne malade, ou même une personne âgée, plusieurs auront de la difficulté à s'approcher d'une personne âgée, ou à s'approcher d'une personne qui est noire, ou qui est jaune, ou qui est d'une autre ethnie. Pourquoi? Parce que c'est comme sale. Mais il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de problème. Puis ton corps physique, tes mains, tu les laves après, c'est pas un problème. Bon. Les mères apprennent rapidement à changer les couches de leurs enfants puis à se mettre les mains un petit peu dans la merde. Bon. Et se lavent les mains. Mais changer les couches d'un adulte de 85 ans, il y a plusieurs qui en auraient des problèmes. Uniquement parce qu'on n'est pas encore capable de faire la différence entre ce que nous sommes nous et ce que le corps est. L'être humain intelligent, nécessairement, va faire attention aux gants. Pas les percer, c'est utile de les avoir étanches. Il va faire attention au corps physique pour l'entretenir, vu que c'est utile. Par contre, il n'aura pas besoin d'avoir des gants mauves ou des gants bleus ou des gants jaunes pour jouer dans la merde. Il va avoir besoin d'une paire de gants. Et s'il y a des fleurs après mes gants, c'est pas un problème. Regarde ceci. Tu te fais couper les cheveux, tu rentres quelque part, puis il n'y a pas un humain, il n'y a pas à peu près aucun humain qui va être capable de s'empêcher de dire « Ah, tu as coupé les cheveux! » Tout petit changement dans la personnalité d'un individu, dans ce qu'il est, dans ce qu'il est exprimé, frappe. Ah, tiens, tu mets une cravate maintenant, ça frappe. Et les gens te le disent toujours en reproche, constructivement, négativement, mais c'est toujours une forme de reproche. Quelqu'un se fait couper les cheveux, écoutez, toutes les deux semaines, tous les mois, les gens se font couper les cheveux. Alors, on devrait finir par arrêter de se dire, ah, tiens, tu t'es fait couper les cheveux. Oui, effectivement, j'ai changé. J'ai ôté un centimètre de cheveux. J'ai changé. Ouais, excusez-moi. C'est finalement ce qui devrait être amené. Et c'est continuellement ça. Pourquoi? Parce que l'être humain s'identifie tellement à la forme et aimerait tellement que la forme reste rigide. Il est heurté par tout changement. L'être humain qui parvient à s'aimer, c'est un être humain qui parvient à comprendre qu'il n'est pas de la chair, qu'il n'est nécessairement pas du vêtement. Et il sera capable d'entretenir la chair, d'entretenir le vêtement, d'entretenir l'onde de forme s'il est dans un monde où l'onde de forme devient une mécanique et un outil. Mais il ne souffrira pas de son onde de forme. Donc, il n'a pas besoin d'accepter son corps. Par exemple, toi, tu trouves que ton corps n'est pas à ton goût. De ce fait, tu peux dire, c'est pourquoi je n'aime pas le montrer nu. Et une autre personne va te regarder nu, à un moment donné, va dire, regarde, avoir un corps comme ça, ça ne me dérangera pas. Bon. Et ça n'a rien à voir. Et le gros du problème, c'est que l'être humain ne peut pas parvenir à s'aimer tant qu'il n'est pas capable de se centrer. S'aimer ne vient donc, être capable de s'aimer, ça ne veut pas dire s'entraîner à être capable de s'endurer. Ça ne veut pas dire s'entraîner à être capable de se tolérer. Ça ne veut pas dire s'adapter mémoriellement à ce que nous sommes. Ça ne veut pas dire non plus passer par-dessus, ne plus rien voir, donc ne pas rien regarder. Ça ne veut rien dire de ça. Ça veut simplement dire comprendre énergétiquement ce que tu es. Et pas comprendre que vous n'êtes pas un corps. Ça devient assez trop encore terre à terre, trop spirituel. Comprendre ce que nous sommes énergétiquement. Fini là. Mon corps est gros. Oui, ton corps est gros. Bon, parfait. Tu peux le maigrir, tu peux ne pas le maigrir. Si tu as des cellules adipeuses génétiques qui ramassent tout ce qui peut ressembler à de la graisse, c'est pas correct de t'en faire avec ça. On doit l'entretenir au maximum de ses capacités, mais l'être humain, ce n'est pas ça. Oui, mais quand tu... Supposons que tu fais un travail de conscientisation, tu veux te retrouver, tu vas voir à l'intérieur de toi, tu essaies de te connaître, tu essaies de... Ça encore, c'est un jeu de l'ego. Oui, je sais, mais vu que tu fais ça, parce qu'on fait tous ça, on regarde à l'intérieur, puis là, on voit de plus en plus des crottes, on voit de plus en plus que c'est laid. Fait que c'est de plus en plus dur de s'aimer jusqu'à temps qu'on passe quelque part, mais c'est où la... Imaginons un télescope. Que là, t'es rendu, que tu passes, puis là, tu te retrouves vraiment énergétiquement. Imaginons un télescope. Tu regardes très, très loin avec une longue vue. Et nécessairement, c'est flou, tu fais focus pour voir loin. Puis là, ce que tu vois au loin, c'est des humains comme toi, des arbres, des oiseaux, des choses comme ça. Toi, tu vas dire, tu vas à la tête à celui-là, parce que tu vois dans d'autres pays, par exemple. Or, nécessairement, tu trouves qu'ils marchent nu pieds, qu'ils sont crottés. Bon, tu juges. Ça te permet de te valoriser. Hein? Tu démonies un peu l'extérieur. Et là, à un moment donné, tu dis, je vais regarder vers moi. Alors, tu prends ton télescope, disons que tu es capable de le tourner, les miroirs là-dedans, puis là, tu regardes en dedans. Le focus est ce qui est bien fait. Tout ce que tu vas voir en dedans devient nécessairement totalement défait, laid, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est comme réalité, parce que tu n'utilises pas le bon instrument. Mais si tu veux voir en dedans, ôte donc la longue vue à la place, hein, serre-la un peu, puis c'est tout. Et là, tu vas être capable de voir ton entourage, voir déjà beaucoup plus près, le focus est déjà fait, ferme les yeux, là je donne l'exemple que je donne évidemment avec la longue vue, donc ferme les yeux et tu vas être capable de percevoir les choses qu'il y a en dedans. Mais il ne faut pas que tu prennes l'instrument que tu te sers, un instrument déjà coloré, que tu te sers pour voir à l'extérieur, puis tu le retournes vers toi pour voir en dedans. Donc, l'humain qui dit « je veux voir comment je suis », en partant, ce n'est pas lui qui observe ou ce n'est pas lui qui va voir. Donc, on ne peut pas faire ça. Essaie juste de comprendre qui tu es. Même chose pour tout le monde. Essayez de comprendre qui vous êtes. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Et parce que c'est l'ego qui veut savoir qui tu es, et que l'ego a besoin de forme et de mots, ben l'ego va s'arranger pour s'arrêter là où il rencontrera le début de la forme et du mot. Ça pourra minimum être dans les qualités et les défauts, à être dans ce qui est moral et ce qui est amoral, à être dans des choses que les gens devraient jalouser, le courage, la justice, ou dans le manque de ces choses-là. Si tu n'es pas capable de fouiller là, tu vas nécessairement t'arrêter au corps. Il faudrait au moins que je sois plus grand, il me semble, 3 ou 4 pouces de plus, ou plus puissant, ou avoir des cheveux, ou pas avoir de cheveux, ou avoir une moustache, ou pas en avoir, ou etc. Si tu ne peux pas t'arrêter à la forme spirituelle de l'intérieur, tu vas t'arrêter à la forme matérielle de l'extérieur. Et si ce n'est pas ceci, si tu n'es pas capable là, ce sera au niveau du vêtement. Là, tu vas commencer à te maquiller, t'acheter un chapeau, à t'acheter ceci, puis à te pavaner. Et si ce n'est pas suffisant, il faudra une maison, il faudra une automobile. Il faudra des individus que tu vas servir. Et on peut continuer comme ça. Mais il faut que l'ego me fasse confiance, parce que si je veux me voir vraiment, il faut que je me regarde. Il faudra que tu sois capable de te trouver toi, pas te voir, c'est pour jamais te voir, de te trouver toi au-delà de l'ego. C'est ça, mais lui, si je veux qu'il soit de mon côté, à un moment donné, il va falloir qu'il me fasse assez confiance ou qu'il... Non, il va être automatiquement de ton côté. Lui, l'ego va être de ton côté quand ça va réussir. L'ego, là, c'est comme plusieurs séminaristes. Ils ne seront jamais avec toi tant que tu n'auras pas réussi. Et toi, ce que tu te dis, c'est quand j'aurai réussi, ben, j'aurai plus besoin de toi, c'est ça qui arrive. Et l'ego, lui, ne peut pas être avec toi parce que l'ego, c'est quand tu auras réussi, tu n'auras plus d'ego. Bon. L'ego, lui, va cesser de te nuire quand il va se rendre compte que ça ne sert à rien de te nuire. Autrement dit, quand un papier sablé qui vient sabler du bois, c'est correct. Quand un papier sablé s'attaque à quelque chose de plus rude que lui, il sable lui-même. Puis chaque fois qu'une particule de sable qui se détache du papier, une particule de verre qui se détache du papier, ça sert d'abrasif pour le compte de papier. Donc, ça va arrêter. Mais tant que tu es quelque chose qui est malléable ou sablable par le papier, par l'ego, par les expériences de la vie, c'est évident que ça ne peut pas fonctionner. Je reviens toujours là-dessus. C'est évident que spirituellement, c'est dangereux parce que lui-même peut se prendre au sérieux là-dedans, l'ego. C'est de vivre en visiteur. C'est ce que vous êtes de toute façon. On est des visiteurs. Bon, des visiteurs à travers le temps, des visiteurs historiques, des visiteurs depuis quelques milliers d'années, mais on est des visiteurs. Alors, si à un moment donné, moi, je suis une énergie quelconque et je suis imposé à un corps physique, je suis un visiteur. Mais je ne dois pas me dire, par exemple, bon, comment étais-je là où j'étais? Je regarde dans le miroir. Ah, je ne méritais pas mieux que ça. Bon, mais c'est une question de génétique ici. Parce que je disais vendredi que quand les gens se regardaient dans un miroir, ils se trouvaient laid de regarder un peu mieux parce qu'eux autres, c'était pas ça, c'était pas la peau, c'était l'autre bord de la peau. C'est un peu la même chose. Mais il n'y a presque rien qu'on peut regarder qui est nous, finalement. Non. Parce que tout ce que tu vas regarder, ce que je suis, là, je ne peux pas le voir, ou je peux juste l'être. Oui. Alors pourquoi vouloir améliorer ce que tu n'es pas? Non, c'est une perte de temps. C'est pas juste une perte. C'est même que c'est totalement inutile. Ben oui. Et puis, finalement, je ne me sens pas pendant ce temps-là. C'est tellement, tellement facile de se centrer, donc de s'aimer, c'est la même chose. Parce que s'aimer la personne, ça va être « je m'aime parce qu'elle embrasse, parce qu'elle se trouve cute, parce qu'elle se trouve belle, parce qu'elle se trouve en forme, puis là, elle s'achète un petit cadeau. Là, il me semble, là, j'ai bien réussi, j'ai bien travaillé. » Non, ça, c'est animal. C'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'affection. C'est pas la même chose. Puis de l'affection, quand on en manque, ça fait de l'infection. L'astral va mal, tu souffres, tu cherches des médicaments, d'autres personnes ou de la boisson, des choses comme ça pour essayer de tuer la... Bon, l'être humain doit comprendre que se centrer chez lui, ça veut dire être capable de se vibrer. Puis se vibrer est une mécanique informique. Il n'y a pas de forme là-dedans. Bon. Et c'est très, très, très, très clair Mais c'est sûr que c'est compliqué un peu. L'humain, il sait qu'il n'y a pas de libre arbitre, puis l'humain continue à agir à 99 % de sa vie comme s'il y avait du libre arbitre. L'humain continue à se prendre au sérieux sans arrêt, l'humain vit difficilement au sérieux. L'humain est continuellement en train de se remettre en question, alors que l'humain ne devrait pas se remettre en question, l'humain devrait continuer à avancer. C'est que pour l'ego, c'est intangible. C'est évident que c'est intangible. Se vibrer, c'est bon, oui, comment on fait ça? Tu le fais. Mais c'est que tu peux faire, toi, c'est d'amener suffisamment d'énergie à ton mental pour que lui l'ajuste à ton ego. Ça veut dire que tu dois t'instruire. Mais cette instruction-là ne doit pas prendre tout le temps de ta vie parce que ça devient con à un moment donné. Exemple, quand tu auras 72 ans, un de vous deux, quand vous aurez 72 ans, tiens ensemble, vous pourrez regarder, vous regardez dans le miroir, puis là, vous dire, toi, j'ai perdu mes cheveux à 45 ans, tu sais, je me suis fait planter plein d'affaires, puis finalement, c'est encore pas là. Là, tu pourras te dire, effectivement, ça sert à rien. Là, après ça, tu pourras te dire, ben, regarde, là, j'ai des rides, là, puis je me suis acheté pour, si j'additionne à travers les 45 dernières années, je me suis acheté pour... Là, tu regardes des jeunes qui paniquent quand ils voient un bouton leur pousser à côté du nez, là, à l'adolescence, puis là, passer des heures et des heures à se mettre du clairocil, même si tout le monde sait que c'est cancérigène, et puis à continuer comme ça. Là, tu vas dire, hein, si jeunesse savait, puis si vieillesse pouvait. Bon, là, tu vas te dire, autrement dit, si je pourrais être là dans le corps d'un jeune, hé, maudit que je ne ferais donc pas ça, que je mangerais bien, que je ne m'en ferais donc pas avec mon corps physique, que je ne m'en ferais donc pas avec mon nombre de formes, que je ne peux pas changer. Tu aurais l'impression que maudit tu t'en ferais non pas. Mais là, ce qui est original, c'est que tu peux aussi te retrouver à l'âge de 12 ans, te rappeler un peu comment tu étais à l'âge de 12 ans. Tu avais peut-être honte de ton corps, tu étais gêné, tu avais une fausse pudeur, tu étais peut-être jaloux de la chevelure ou de la couleur des yeux des autres, tu étais peut-être jaloux de leur grandeur ou de leur carrure. Et puis, à 18 ans, quand tu rencontres des jeunes de 12 ans qui te ressemblaient, mais tu as oublié qu'ils te ressemblaient, mais qui te ressemblaient, n'importe quand, tu serais prêt à échanger ce que tu es à 18 ans pour ce qu'ils sont aux autres à 12 ans. Puis, tu n'aurais pas les problèmes qu'eux autres ont, mais que tu avais. Puis là, à 25 ans, quand tu regardes les jeunes de 18 ans, tu te dis, sacre à bleu, tu sais, là, tu serais prêt. Mais quand tu avais 18 ans, tu étais tout poigné. Tu voudrais être comme à 12 ans, mais à 12 ans, tu étais tout poigné. Puis là, à 45 ans, quelqu'un qui te regarderait aujourd'hui, maintenant, quelqu'un qui aurait 60 ans, et qui dirait, voyons donc, Robert, t'as honte de ton corps, ou t'as honte de toi, ou tu t'aimes pas, etc. Sacrable. Moi, à 72 ans, si j'aurais ton corps, je t'assure que je ne vivrais pas pogné comme t'es pogné. C'est un mais bon. Ça, c'est une illusion, parce qu'il n'y aurait pas les mémoires qu'il y a à 72 exact. Ans. Ce que je veux dire simplement, c'est que ça continue à prouver que toutes les merdes que l'humain vit d'escalier, de marche en marche, ça ne te sert à rien de vouloir les contrer, puis ça ne te sert à rien de vouloir penser que si on te redonnerait une autre chance, tu serais mieux. Ça ne changera jamais rien. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'illusion. Ce n'est pas une question de « Ah oui, mais c'est facile de désinhiber, toi, regarde le corps, tandis que lui, regarde le don. Je comprends, lui, il y a de la misère. » Non, c'est tellement, tellement, tellement pas ça. Il y a des individus qui ont des talents, puis il y a des individus qui ont d'autres talents. Puis lui, il a un talent génial, puis il ne fait rien avec, il est pauvre, puis il est sur le bien-être social, etc. Puis regarde celui l'autre, il le regarde, il dit « Moi, avoir son talent, sacrableux que je ne ferais pas ce qu'il fait. » Regarde-toi dans la face, il y a plein de talents aussi. Puis il y en a un là, qui te regarde et qui dit exactement la même chose. Puis si tu serais dans la peau de l'autre, tu ferais comme lui. Pourquoi? Parce que là, tu découvrirais ce qui l'inhibe. Mais des niaiseries, comme tes niaiseries à toi. Moi, avoir tes cheveux, je serais correct. Pouf, j'ai tes cheveux. Ouais, mais avoir, c'est ses oreilles qui sont des. Frère, j'ai les oreilles de. En veux-tu? Et tout ça parce que l'humain n'est pas capable de découvrir qu'il est une énergie. Le corps physique est un véhicule qu'on doit entretenir, mais pas un véhicule qui doit finalement nous asservir. Je parle du corps physique, mais c'est la même chose au niveau de toutes les mécaniques de la vie. Si tu y vas et tu manques ton coup, écoute, t'es pas passager sur la planète Terre. Mais là, tu dis ça comme ça, mais le problème, c'est qu'on est dépendant de l'énergie accumulée dans ces corps-là pour arriver à supporter ce qu'on est vraiment. C'est vrai et c'est faux. Le processus du miracle est totalement, totalement, totalement... applicable présentement. Il manque pour certaines personnes certaines choses. Bon, prochainement, on fait un PMC plus sur les entités. C'est probablement l'un des grands points qui va être amené prochainement à l'échelle planétaire. Ça va être d'avoir la possibilité, comme le Nazaréen l'avait, de nommer une entité qui est niaise, être capable de l'ordonner pour qu'elle s'en aille. Bon, il y a les colères mentales, ça les gens connaissent un peu. Maintenant, trouver le nom. Bon, le nom, je vais mettre des noms, je vais aller fouiller, je vais trouver les noms de la majorité des entités qui empêchent les êtres conscientisés de pouvoir bouger. C'est évident qu'il y a énormément de pression sur l'être humain pour que l'être humain ne bouge pas. C'est sûr. Sauf que l'être humain doit commencer par appliquer les mécaniques simples. Puis l'être humain n'applique jamais les mécaniques simples. Bon. Mais le problème est tellement gros pour lui que ça doit être une solution compliquée. Bon. Alors, simple, c'est trop simple. Toi, tu es propriétaire d'un magasin d'aliments naturels. Si tu rentres dans ton magasin à un moment donné et que tu décides de trouver les produits qu'il faudrait que tu manges ou que tu mélanges pour arriver à améliorer énergétiquement et matériellement ton corps physique, tu es probablement l'une des personnes les mieux placées pour pouvoir te fouiller un peu. Au pire, tu commandes des nouvelles choses pour les vérifier, bon, mais au moins tu es placé pour le faire, ça ne coûte pas trop cher. Mais est-ce que souvent ça t'arrive de juste faire le tour de ce que tu as pour éliminer de ta santé ce qui n'a plus besoin, tu peux le vendre, d'autres en ont besoin, et de fouiller énergétiquement pour retrouver ce que dans ce que tu vends serait utile pour toi? Y a-t-il des choses qui sont extrêmement bonnes, que tu sais et que tu vends, puis que tu n'utilises pas? Pas beaucoup. Bon. Puis est-ce qu'il y a des mélanges intéressants que tu fais? Y a-t-il un travail un peu alchimique? Tu sais, une personne, faire la cuisine, c'est de l'alchimie. Bon, y a-t-il un travail alchimique que tu fais de temps en temps pour mélanger, bon, du pollen de ceci avec ceci, cela, puis prendre ceci, puis te laisser aller à la vibration? T'autorises-tu de temps en temps? Oui. Bon. Régulièrement, ça. Parfait. Et c'est ce que l'humain doit faire. C'est déjà une chose. Toi, on sait que tu as certains pas d'avance dans certaines choses. Combien d'autres personnes le font? Les personnes se disent, par exemple, tiens, il me semble qu'il me faudrait de l'aloès vera. Là, ils s'en vont dans un magasin, puis ils tapent partout, 15$ pour une affaire dans le même, ils ne sont pas de maudit bon sens. Puis c'est fini. Mais par contre, ils vont aller se louer une cassette vidéo, ils vont en louer trois, encore que la première, c'est pas bonne, tu mets la deuxième, manquez, bon, ben. Et puis. Popcorn, de liqueur, et puis. Oh, mais même sans ça, disons, le lendemain, ça revient, c'est 11$, mais ça, c'est une soirée, et puis leur bouteille leur aurait duré un mois. Tu comprends? C'est toutes des petites niaiseries. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humain ne s'aime pas. Pourquoi l'humain ne s'aime pas? C'est que l'humain va préférer jouer sur quelque chose de forme, un vidéo, par exemple, pour le relaxer. Sauf que c'est correct que l'humain se relaxe, mais si l'humain s'arrange pour ne pas stresser, il va pouvoir, de toute façon, se louer une vidéo, mais s'il veut. Mais il va être déjà beaucoup mieux. L'alchimisation, l'humain n'en fait pas. L'alchimisation, c'est la chimie de Dieu. Ça veut dire quoi? Al, c'est Dieu. Hein? Et puis, chimie, c'est des mélanges, c'est une liaison. Alors, l'être humain qui va travailler, qui va se centrer sur lui-même, ça veut dire que régulièrement, il va remettre en question, c'est-à-dire qu'il va simplement se demander ce qui est maintenant bon, ce qui est maintenant pas bon. Puis, l'humain doit le faire exactement comme... Votre changement d'huile, vous le faites faire à toutes les combien de... Je parle physiquement. Tu changes ton huile à toutes les quoi? Bon. Déjà, pour une automobile, les gens ne le font presque pas. Mais une automobile neuve, ils vont y aller un peu plus. Et plus ils vont l'avoir payé cher, plus ils vont y aller. Mais le corps physique, il va nous servir bien longtemps. On ne l'a pas payé du tout. Fait qu'on n'a rien à foutre, bien évidemment. Quand à toutes les combien de... Il y a toutes des règles à suivre qui, à un moment donné, des règles à suivre qu'on doit établir sur papier, par principe, comme on fait à travers les cours du PMC, par exemple, un paquet de règles à suivre qui sont appliquées, que l'humain doit appliquer chronologiquement. L'humain doit le faire, l'humain devrait le faire régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est extraordinairement efficace. Puis, c'est évident que l'humain doit se déspiritualiser la pratique pour parvenir à être capable énergétiquement de trouver son propre rythme et d'agir à son propre rythme, comme pour l'alimentation. L'alimentation, il y a des choses qu'on doit manger, des choses qu'on ne doit pas manger. Puis, à un moment donné, quand on devient suffisamment subtil et sensible, on prend, à chaque semaine, on vérifie ce qui est encore à prendre, ce qui est encore à ne pas prendre, etc. Sans nécessairement avoir besoin de lire. On peut lire un peu, ça donne des idées. Mais on doit y aller énergétiquement. Sauf que les personnes ne font pas ça. Pourquoi? Parce que les personnes finissent par penser que tant que le corps me plaît, je n'ai plus rien à faire avec. On est des visiteurs. On doit s'arranger pour habiter le corps physique, on pourrait le maintenir. Et quand je parle de maintenir, on peut allonger sa vie. Il y a une maladie qui existe, que certains rares jeunes ont, les adultes n'ont jamais ça. C'est une maladie du vieillissement. Le dernier qui en est mort à l'âge de 67 ans biologiquement, après avoir vécu 12 ans de vie planétaire. Bon, Alors, le petit garçon à 6 ans ressemblait déjà à un être de 35-40 ans, et à part sa grandeur, il avait la même texture de cheveux, les mêmes rides, la même peau, c'était identique. Puis il est mort vers 69, 71, 72 ans, et il était totalement, totalement, totalement vieux. Quelqu'un qui le regardait va dire, regarde, as-tu vu un nez, un vieux nez? Non, c'est un jeune de 12 ans, qui présentement meurt de vieillesse après 12 ans de vie. La vieillesse, sauf que lui, dans son cas, c'est que le chronomètre qui enclenche le vieillissement était extraordinairement accéléré. Donc, de l'âge de sa naissance à l'âge de 12 ans, il a vieilli ce qu'un humain vit physiquement à 70 ans. Donc on peut faire le contraire. C'est ça, le chronomètre peut se... Ah oui, mais c'est que le vieillissement n'est pas un procédé inéluctable, c'est un chronomètre. Et ce chronomètre-là, il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Et pour arriver à ralentir le chronomètre, il faut placer des mécaniques à l'intérieur du corps astral, du corps vital et du corps physique. Il faut éliminer des choses. Les gens vont dire, par exemple, il y a une oxydation cellulaire qui se fait au niveau du corps. Donc, par exemple, le sélénium, ça va aider. Il y a la vitamine E qui va aider. Il y a des antioxydants comme ça qu'on peut prendre qui vont bloquer le processus d'oxydation cellulaire. Et l'oxydation cellulaire, on se rend compte que c'est ce qui fait vieillir l'humain. Sauf que pourquoi chez la jeunesse, il n'y a pas d'oxydation cellulaire? Et pourquoi une cellule qui se multiplie sans arrêt peut se multiplier éternellement, alors que rendu dans un corps humain, rendu à un certain âge, l'adolescence entre autres, la cellule commence à se multiplier d'une façon bizarre, et là, le processus de vieillissement est comme tel reconnu par le corps. Mais l'humain peut éliminer tout ça au complet, sauf que l'humain doit se retirer totalement de son corps physique. Et se retirer du corps physique, ça veut dire qu'on doit être capable de reconnaître que le corps physique sert uniquement d'antenne planétaire. Donc, je ne suis pas présentement présent dans la salle parce que mon corps est dans la salle, mais je suis présentement présent par le biais d'une antenne planétaire qui est mon corps physique. Et si je me retire complètement, c'est évident qu'il va rester un égo là-dedans pour me niaiser. Mais si moi, je suis capable de me retrouver ne veut pas dire être capable de mettre des mots sur ce que je suis. Bon, si moi je me retrouve, par la suite, je pourrais redescendre à l'intérieur du corps physique et je pourrais là venir mettre les mots qu'il faut pour que l'ego comprenne qui je suis. Mais ce sont des mots pour que l'ego comprenne. Donc, je serai capable de me présenter comme un dieu et d'expliquer à mon ego ce que je suis. Mais je n'irai pas me présenter comme un dieu aux égos des autres. C'est mon ego qui va aller se présenter. Alors, je peux redescendre à l'intérieur et je dois m'arranger pour me servir du véhicule. Ça veut dire, par exemple, quand ça t'arrive de t'endormir le soir? Quand tu t'endors le soir, tu dois absolument t'arranger pour travailler des techniques qui vont te permettre de retourner dans ce que tu es. Bon, un jour, je t'en parlerai. Mais tu dois t'arranger pour pratiquer des façons planétaires. Et quand on parle de techniques, c'est que l'être humain planétairement est un être humain mémoriel. Mémoriel veut dire programmé. Programmé, donc mécanique. Ça veut dire qu'effectivement, l'être humain doit appliquer des méthodes, des techniques. Puis une technique ne veut pas dire une chose qu'on pratique sans arrêt tout le temps. Une technique veut dire une chose coordonnée qui amène un résultat attendu par un cheminement prévisible. Une technique. Donc, on peut technicaliser la mécanique ascensionnelle chez l'humain. Bon, ça veut dire, par exemple, tu veux avoir un peu plus de musculature, renforce-toi. C'est correct, tu peux te renforcer. Te renforcer, dirait quelqu'un. Bon, sauf que si tu veux parvenir à avoir une musculature plus forte, plus vite, il y a une technique. Tu dois courir, tu dois faire des poids et haltères. Oui, mais tu peux aussi, évidemment, ne pas prendre de poids et haltères. Tu peux prendre un tronc d'arbre, tu peux faire des sports, tu peux faire d'autres choses. Tu peux faire de te tirailler dans l'eau, par exemple. Bon, ça va te renforcer. N'empêche que le tiraillement dans l'eau est une technique. Bon, les poids et haltères sont une technique, tu en choisis une. L'être humain doit appliquer planétairement des méthodes et des techniques parce que c'est la seule façon qu'il a de reprogrammer les structures mémorielles qui viennent l'embêter. Et l'être humain doit être capable... Il faut en premier qu'il les connaisse. Parce que les techniques, on peut toujours les inventer, mais il faut connaître qu'est-ce qui nous fait vieillir en premier. Non, ce qui nous fait vieillir, on n'en a rien à faire. Moi, je te donnais l'exemple du vieillissement. Et les techniques sont des techniques pour t'amener, toi, à un moment donné, être capable de te retrouver, donc de t'aimer. Et automatiquement, ces processus de vieillissement, etc., ça va tomber. Ça veut dire qu'on vieillit, où on s'abîme, où on abîme nos corps, nos véhicules, dans la mesure où on ne s'aime pas. Plus on s'aime, moins on abîme nos véhicules. Non. Ça, c'est encore parce que tu t'identifies trop ton corps physique. Le corps physique est organisé pour naître, pour vivre jusqu'à l'adolescence, pour devenir sexué à l'adolescence, pour dilapider ses énergies de vie pendant une partie de sa vie, pour être éliminé après, pour être retiré de la circulation planétaire. Bon, alors, que tu t'aimes, que tu t'aimes pas, c'est le processus du corps physique. Ça va? Oui. Bon, alors, un arbre, par exemple, un arbre ne saillit pas. Hein? Une grenouille ne saillit pas. La grenouille, elle se demande pas si elle a une pustule à la bonne place ou pas. Elle s'en va, elle roule, elle saute, et à un moment donné, elle meurt, même chose. Donc, c'est pas une question de s'aimer ou de ne pas s'aimer. Oui, mais ce qui fait que qu'on s'abîme, c'est qu'on fait ce qu'on sait qui n'est pas correct non, de faire. Non, s'aime pas. Non. Si dans la mesure où moi je me sente, je vais être capable d'éliminer des choses qui, pour mon corps, est néfaste. Non, c'est oui et non. C'est encore trop spirituel. Pourquoi dois-tu bien manger? Pour supporter mon corps qui, lui, me supporte. Parce que je suis dedans. Si lui est malade, moi je suis pas malade, mais je suis obligé de rester alors, au lit avec. Alors pourquoi, là, 30, 40, 50 ans, les gens mangeaient extraordinairement mal, puis les gens vivaient à peu près aussi longtemps qu'on vit aujourd'hui, puis il n'y a pas plus de crise de cœur qu'aujourd'hui, etc. Pourquoi, là, un peu plus longtemps, les gens mangeaient que des aliments biologiques, les gens ils mangeaient des animaux qui n'avaient jamais été nourris avec des paquets de cochonneries. Les gens vivaient en campagne, les gens vivaient à l'air pur, les gens vivaient relax, pas stressés. Les gens avaient une espérance de vie de 45, 50, 55 ans. Alors ouais, aujourd'hui, dans les villes, avec toute la scrap qu'on mange, on a une espérance de vie de 72 ans. Oui, mais il n'y a pas juste l'alimentation physique, il y a à tous les niveaux. Oui, mais présentement, ce qu'on peut constater, c'est que plus apparemment les choses sont empirées, plus on a une espérance de vie longue. Mais c'est pas la génétique qui le demande. Non, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi doit-il bien manger? Lui, il dit, c'est pour entretenir mon corps physique. C'est pas pour ça. C'est faux. La preuve, il y en a qui mangent mal, qui vont vivre plus longtemps que toi. Il y en a qui mangent extrêmement bien, qui vont être malades. Puis, il y en a qui vont avoir le sida ou la leucémie ou d'autres choses, qui ont toujours très, très, très bien mangé. On ne doit pas bien manger pour entretenir son corps physique. On doit manger les aliments essentiels à la stabilisation de l'assiette énergétique qui nous supporte. Bon. J'ai expliqué souvent que l'être humain devait ajuster son nombre de formes de façon à asseoir son assiette énergétique de façon à ne pas baisser. Autrement dit, tu conscientises, tu ramasses de l'énergie, puis à un moment donné, bien, tu viens placer dans la matière une assiette qui va faire en sorte de t'asseoir énergétiquement. Tu descends pas plus bas. C'est ça. Tu dois évidemment placer une assiette énergétique du point de vue de ton énergie vitale, du point de vue de ton énergie psychologique, astrale, et donc tu devras à un moment donné avoir une matière qui va supporter ton énergie un peu mieux. Tu devras avoir une onde de forme orale, parler mieux, avoir une tenue, laisser probablement des individus que tu connaissais qui font partie d'une assiette inférieure. Ils monteront à un moment donné, c'est pas une question de raciste ou de sexiste ou de snobisme. Et tu dois asseoir tes énergies. Pourquoi tu dois manger convenablement, c'est la même chose, c'est parce qu'énergétiquement, tu vibres à un autre niveau, et les aliments que tu vas commencer à rechercher, ceux que tu vas considérer bons pour ton corps, sont les aliments qui vont en réalité nourrir ton enveloppe énergétique, donc qui vont être capables de venir consolider ton assiette énergétique. Ça veut dire qu'un individu, bon, plus l'individu évolue dans une certaine facette, pour éviter de retomber en bas, il doit amener des ondes de forme moléculaire qu'on retrouve dans différents aliments, et il doit amener cela à l'intérieur de son corps physique. Le corps physique, lui, par le corps vital, va être capable d'aller chercher les ondes de forme énergétique moléculaire à travers ces aliments-là, et il va être capable de s'en servir énergétiquement au niveau du mental, au niveau du plan supramental, au niveau du plan astral et vital, évidemment. Étant donné que tout cela va se faire convenablement, cela va faire en sorte que les énergies supérieures de l'homme n'auront pas à puiser à l'intérieur des corps inférieurs de l'homme l'énergie nécessaire pour maintenir l'acide énergétique, ce qui rendrait le corps malade. Donc, tu dois prendre une alimentation qui va être capable d'amener à tes enveloppes supérieures l'énergie nécessaire pour que celle-ci n'ait pas à puiser à l'intérieur de ton corps vital ou de ton corps physique. Donc, de ce fait, pendant longtemps, on mangeait des produits particuliers. Et ça n'aidait pas l'humain. L'humain mangeait des céréales entières. L'humain buvait un lait qui n'avait pas été pasteurisé, où on n'avait rien détruit de dedans. L'humain buvait ou mangeait différents aliments totalement sains. C'est biologique comme façon de cultiver. Mais l'humain ne vivait pas vieux. Et à un moment donné, l'humain a commencé à manger des aliments qui avaient été traités par l'industrie dans une ère où on devait développer l'industrie. On avait donc une ère industrielle à partir de fin 1800, même, ouais, disons, milieu 1800, aller jusqu'à 1950-1960, l'ère industrielle planétaire. Et les individus mangeaient de la vitamine C qu'on avait fabriquée en laboratoire, de la vitamine E, de la vitamine A. On prenait du blé, on ôtait tout ce qu'il y avait dedans, on faisait du pain, on remettait ce qu'on pouvait dedans chimiquement. Et l'humain a subitement vu son espérance de vie augmenter. Pourquoi? Parce que la nourriture qu'il mangeait, une nourriture industrialisée, était la nourriture la plus ajustée à la stabilisation de son assiette énergétique pour lui permettre de traverser une ère. Donc, l'humain a traversé cette ère-là. Aujourd'hui, parce que nous sommes capables d'être technologiquement avancés et non plus uniquement industriellement, nous avons maintenant la robotique, l'informatique et ces choses-là, nous sommes dans une ère électrisée, une ère beaucoup plus propre. Nécessairement, l'humain qui veut s'asseoir sur cette mécanique-là devra aussi être capable de reprendre une forme d'alimentation qui fait partie de recherches scientifiques, comme par exemple, il y a des hommes avant et des femmes qui mangeaient des algues, du phytoplancton, et puis aujourd'hui, on découvre les qualités extraordinaires du phytoplancton. Prenons l'exemple de l'aloès. On découvre aujourd'hui les facultés de l'aloès, et là, ce qui est absolument aberrant, c'est risible, de temps en temps, on entend rire les extraterrestres, c'est que la personne va dire, l'aloès, c'est extraordinaire, bon pour la santé, c'était utilisé dans l'Égypte ancienne. Mais l'Égypte ancienne avait une espérance de vie de 22 ans. Fait que vivement l'aloès. Après ça, on trouve la spiruline, par exemple, qui était utilisée dans l'Antiquité. Le monde vivait 40 ans dans l'Antiquité. Alors, vous voulez me faire croire que c'est bon. Alors qu'aujourd'hui, c'est bon. Pourquoi? Parce que les gens l'utilisaient sans problématique technologique. Les gens ne le savaient pas. Les gens prenaient du lait. Ils allaient traire un aloès. Ils buvaient ça. Et puis, les gens, c'était correct. Aujourd'hui, on se rend compte scientifiquement et techniquement donc des valeurs de l'aloès, et on va s'arranger pour l'extraire d'une façon particulière qui finalement ressemble à ce qu'ils faisaient à l'époque des Égyptiens parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Et puis, on va commencer à boire ça et ça aura un résultat réellement bénéfique sur notre santé, résultat qu'eux ne pouvaient pas trouver chez la leur. Pourquoi? Parce que maintenant, ces aliments-là, aliments traditionnels du passé qui n'ont pas été meilleurs que d'autres choses, notre espérance de vie, elle a doublé puis elle a triplé dans certains cas. Et plus on mangeait mal, plus notre espérance de vie s'allongeait. C'est à cause des médicaments, que tout le monde dit que ça te tue. Bon. Alors, aujourd'hui, on doit ajuster notre alimentation, non pas en fonction de ce que tu connais anatomiquement au niveau du corps physique, parce qu'on va se rendre compte, finalement, que l'humain a besoin de beurre, alors qu'on aura passé 5 ans, 10 ans, 20 ans à dire que le beurre, il ne fallait plus en prendre. On va se rendre compte que l'humain a besoin de viande, alors qu'on aura découvert que la viande amène des cancers au niveau du système digestif. Puis subitement, on va se rendre compte que la viande, non, c'est bénéfique en réalité. Et on va s'en aller comme ça d'un bord à l'autre en fonction de ce que l'humain a besoin. Mais supposons, les ondes de forme, certaines choses comme ça, supportent, supposons, notre assiette énergétique. Mais si en augmentant, supposons, la manière qu'on se nourrit ou l'onde de forme, des choses comme ça, est-ce qu'on monte puis on se maintient à ce stage-là? Il faut absolument que tu manges en fonction... Là, on parle de manger, c'est tout en rapport avec le fait de te centrer, donc de t'aimer. Il faut que tu manges en fonction de ce que tu considères qui devrait être disponible dans le monde énergétique dans lequel tu vis. Par exemple, je te donne un exemple. Si ça n'existe pas. Tu le crées. Et tu dois donc faire de l'alchimie. Tu dois t'arranger pour mettre un certain temps, ou c'est pourquoi l'intelligence de l'alliance. Là, on va se réunir, puis on va dire à des gens, écoute, les cuisiniers, toi, là, tu fais ceci, tout cela, tu connais telle chose, ça appelle du temps. Et pouvez-vous nous inventer des recettes? Bon. Puis ces recettes-là, ben, on jase un peu avant pour avoir une forme, pour établir une forme de connivence énergétique, et les personnes vont le faire. Mais quand les personnes l'ont fait, tu achètes leurs recettes. Il faut qu'il y ait un échange d'énergie. Bon. Et en même temps, un capitaliste dirait, ben oui, ça va stimuler en même temps la recherche chez les animaux, oui. Mais là, il y a juste une question d'éthique énergétique. C'est ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, faut s'atterrir de plus en plus pour avoir une base plus solide pour pouvoir monter. Prenons l'exemple Patrouille du Cosmos. Tu aimes ça, Patrouille du Cosmos? Oui. Bon. À l'intérieur du vaisseau Enterprise, verrais-tu le capitaine Spock avec l'amiral Kirk mange chacun hot dog, relish moutarde? Ah non, ça va pas. Pas en tout. Il y aurait, comme esthétiquement, il y aurait un problème. Je parle pas de la moutarde sur le bord des lèvres de Spock. Mais il y aurait un problème. Un gros hamburger là, qui juteux avec 3-4 piments, là, bleu. De la sauce. Hein? Il y aurait un problème. Pourquoi il y aurait un problème? Uniquement parce que c'est comme si ces aliments-là ne sont pas à la hauteur énergétique de ce qu'ils sont pour toi. Bon, et nécessairement, on les aime souvent plus qu'on s'aime nous-mêmes. Énergétiquement, toi, tu vibres certaines choses. Il y a des aliments qui ne peuvent pas être consommés. Puis ça ne veut pas dire que les piments, ça ne veut pas dire que la viande hachée, ça ne veut pas dire que la saucisse. Ça veut simplement dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais il y a l'onde de forme même, juste du hamburger qui n'est pas correct. Exactement. Pourquoi? Parce que cette onde de forme-là s'adresse à une forme américaine. D'ailleurs, c'est inventé là. Ham, ça veut dire jambon. Trouve ça dans un hamburger. Bon. Et puis, tu vas... toute une forme énergétique, une onde de forme qui s'adresse à un peuple qui était en croissance, qui s'est réveillé, mais qui était libéré. Alors, ça ne va pas... Alors, quand je parle d'alimentation, c'est ça. Il y a des choses que l'humain doit chercher, que l'humain doit trouver. Dernièrement, je lui disais que la spiruline, pour ceux qui connaissent ça, ça fait des années que ça existe, parce que en cosmétique, on se sert de certains phytoplanctons et on va extraire ce qui est vert à l'intérieur de ça, ce qu'on appelle la spiruline. Et puis ça, on envoie ça par gros chargement de camions dans les fermes, parce qu'on donne ça à pelleter au bétail. À un moment donné, on a découvert que l'humain pouvait s'en servir. Alors, la pelle à 25 cents, la pelle, c'est devenu 30 $ le pot, parce que c'est bon pour la santé. Bon, ça, c'est l'animal humain. Bon. Mais par contre, il faut comprendre que si on vous aurait vendu une pelle de spiruline à 25 cents, personne n'en aurait acheté, ça ne vaut rien pour la santé. Bon. C'est toute une grosse problématique. Alors, il faut absolument que l'humain comprenne ce que c'est qu'il est lui, pour être capable de revenir en visiteur le matin quand il se réveille, partir le soir, et à un moment donné, il va mettre des barrières pour qu'on cesse de venir rêver dans son corps pendant qu'il n'est pas là. Et l'humain doit se lever le matin en plaçant, vérifiant son véhicule. Alors, tu es couché, tu vérifies simplement tout ton véhicule, et tu te lèves et tu fais à ton véhicule ce que ton véhicule a besoin d'avoir. Mais là, ce n'est pas parce que tu veux être plus beau, ce n'est pas parce que tu veux être plus fort, ce n'est pas parce que tu serais mieux si tu serais plus ceci, c'est pas parce que tu as peur de vieillir. Tout ça, c'est animal, puis tout ça fait en sorte que tu ne peux pas t'ajuster convenablement. Tu ne peux faire autrement que t'ajuster à des modes. Parce qu'il y a de l'espoir. Alors que si c'est toi qui viens à l'intérieur, tu vas faire ce que tu as à faire. Tu vas marcher lentement en fonction des énergies que tu veux voir habiter dans ton corps. Par exemple, soyez plus lent, plus calme, ça va vous relaxer. Mais il y a des gens qui, être calme, ça les énerve. Bon. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu donnes à ton corps une onde de forme. Donc, dans sa motricité, dans son alimentation, dans sa façon de se coucher, dans sa façon de s'asseoir, dans tout ça, il faut que tu lui donnes l'onde de forme, la structure endoformique nécessaire pour que puisse être exprimée, rayonnée ou générée une énergie qui est nécessaire au maintien de ton assiette. Puis si, supposons, je vibre quelque chose, mais c'est... supposons, je vibre quelque chose du futur, puis je n'arrive pas à comme descendre ça ici parce que, supposons, j'ai peur que ça soit, supposons, parvenu ou des choses comme ça. Ça. Mais là, ce qui arrive simplement... Si je le vibre, est-ce que c'est parvenu ou bien c'est parce que je ne le vibre pas vraiment que c'est parvenu? Non, c'est tout vrai, c'est tout faux. En réalité, quand tu vas toucher et chercher quelque chose de l'avenir, c'est que où tu viens de traverser une partie... d'un plan parallèle, ou simplement, vu que tu viens de l'avenir, tu te rappelles un peu plus des choses qui vont se passer. Mélanger ici à un paquet de monde qui t'ont dit que tu te prends. Bon, mais la journée où tu découvres que tu te prends pour personne, tu es ça, c'est bien compliqué, tu sais. Prends-tu pour un roi? La journée qu'on te met roi, tu as l'air fin finaux, parce que là, tu as l'impression que tu te prends pour un roi. Puis, c'était pas prévu. Bon, alors, c'est un peu la même chose. Ce qu'il faut que tu fasses, simplement, ce que tu vibres, ce qui a à être exprimé, est-ce que c'est quelque chose qui va être capable de supporter ton assiette puis de te nourrir énergétiquement sur tous les plans? Si oui, tu as l'obligation de le laisser s'exprimer. Maintenant, c'est évident que l'être humain qui a l'obligation de le laisser s'exprimer et qui est en... Bon, mais là, les autres, les ci, les ça, c'est parce que là, c'est l'ego qui se demande s'il peut jouer à ça. Sans ça, le matin, quand tu te lèves, là, qui es-tu? Et qui es-tu? C'est pas de donner un nom. Hein? Bon, ben, qui je suis? Je le sais qui je suis. Alors, sois ça. T'sais, bon, là, tu vas tout faire ce que tu as à faire, puis là, tu rencontres ton partenaire de logement. Puis là, lui, il est encore tous les yeux tout croche parce que lui, il ne s'est pas posé la question qui était. Puis quand il te voit sortir de là, là, il se demande, mais gros, quitter. Et puis là, il va lui aussi trouver qu'il faut que tu changes pas trop. Et puis si tu es toi-même, tu vas nécessairement être capable de savoir ce qu'il faut pour imposer ta vibration à l'autre. Bon, mais c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir à un moment donné. Chaque chose en son temps. Pourquoi? Parce que... Mais est-ce qu'il disait, est-ce que ça aurait pu être avant son temps? Est-ce qu'il aurait pu vibrer quelque chose que, bon, ça va être dans 6 mois qu'il va faire? Est-ce qu'on peut aller trop vite dans ce sens-là? On ne va pas trop vite, non. C'est sûr qu'il a pu vibrer quelque chose qu'il va faire dans 6 mois. Mais c'est pas nécessaire qu'il le fasse dans 6 mois. Il peut le faire dans 6 mois. C'est une question d'ego. Une question de se demander encore qui on est, pour qui on se prend. C'est une question de bien les choses. Et c'est évident qu'à travers l'ego, il y a des entités qu'il faudra que tu élimines. Pourquoi? Parce que sinon, tu passes ton temps à te battre avec eux autres. Bon. Il y a une façon, évidemment. Non, il y a une façon, oui. Il y a un endroit sur la Terre, un endroit intéressant. Je veux juste en parler un petit peu comme ça. Là, bien, à un moment donné, on pourra soit huis clos, soit en public, là, mais un public restreint. Il y a un endroit sur la Terre, pas tellement loin d'ici, où la personne arrive par, disons, le début, elle chemine, et tout le cheminement au complet, c'est un cheminement d'évaluation énergétique. Ça veut dire que l'individu va avancer, elle peut parfaire des inhibitions, parfaire des phénomènes mutatoires qui sont en terminale, elle peut finir des petites choses, puis à un moment donné, il y a un endroit où elle devra arrêter. Elle ne pourra pas continuer. Donc, elle saura exactement où elle en est. Bon, puis, si c'est un... Le mot qui me vient, mais c'est pas ça. Un chemin de croix. Mais c'est pas un chemin de croix. Mais c'est un point où il y a des jalons, il y a des repères. Où l'être humain aura des choses à arracher, où l'être humain... C'est un peu comme si tu passes à travers d'un moulinet de papier sablé, puis si tu peux traverser, au début, si à peine son touche, on va ôter des scraps. Plus ça va aller, plus on va creuser. À un moment donné, tu ne pourras pas aller plus loin parce que quoi, c'est assez, là, tu vas pas poser. Bon, ça permettrait à l'humain de... Mais ça existe. À un moment donné, ça va sortir. Mais là, on n'a pas le temps d'en parler. Une pause.